avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, et aller télécharger les balados-diffusions et voir les notes de l'émission sur assemblagerequis.com.